Le développement de nos spectacles. Nous apprenons à jongler avec des fruits, des pommes, des noix, des abricots. D'abord avec deux, c'est facile, puis avec trois, quatre, jusqu'à ce que nous arrivons à cinq. Nous inventons des tours de prestidigitation avec des cartes et avec des cigarettes. Nous nous entraînons aussi à l'acrobatie. Nous savons faire la roue, des sauts périlleux, des culbutes en avant et en arrière, et nous sommes capables de marcher sur les mains avec une aisance parfaite. Nous revêtons de très vieux habits trop grands pour nous que nous avons trouvés dans la malle du Calta. Des vestons à carreaux amples et déchirés, de larges pantalons que nous attachons à la taille avec une ficelle. Nous avons aussi trouvé un chapeau noir rond et dur. L'un de nous fixe un poiron rouge sur son nez et l'autre une fausse moustache faite avec des cheveux de maïs. Nous nous procurons du rouge à lèvres et nous agrandissons notre bouche jusqu'aux oreilles. Ainsi déguisés en clown, nous allons sur la place du marché. C'est là qu'il y a le plus de magasins et le plus de monde. Nous commençons notre spectacle en faisant beaucoup de bruit avec notre harmonica et avec une courge évitée transformée en tombeau. Quand il y a suffisamment de spectateurs autour de nous, nous jonglons avec des tomates ou même avec des œufs. Les tomates sont de véritables tomates, mais les œufs sont évités et remplis de sable fin. Comme les gens l'ignorent, ils poussent des cris, ils rient, ils applaudissent quand nous faisons semblant d'en attraper un de justesse. Nous poursuivons notre spectacle avec des tours de prestidigitation et nous le terminons avec de l'acrobatie. Pendant que l'un de nous continue à faire la roue et des sauts périlleux, l'autre fait le tour des spectateurs en marchant sur les mains, le vieux chapeau entre les dents. Le soir, nous allons dans les bistrots sans déguisement. Nous connaissons bientôt tous les bistrots de la ville, les caves où le vigneron vend son propre vin, les buvettes où l'on boit debout, les cafés où vont les gens bien habillés et quelques officiers qui cherchent des filles. Les gens qui boivent donnent facilement leur argent. Ils se confient facilement aussi. Nous apprenons toutes sortes de secrets sur toutes sortes de gens. Souvent, on nous offre à boire et peu à peu, nous nous habituons à l'alcool. Nous fumons aussi des cigarettes qu'on nous donne. Partout, nous avons beaucoup de succès. On nous trouve une belle voix, on nous applaudit et on nous rappelle plusieurs fois.